Il convient aussi d'en venir aux merveilles de notre ville, avec un V majuscule, donc Rome, d'examiner les forces et la volonté d'apprendre de 800 ans d'existence et de montrer que là encore, la terre entière est vaincue. Le grand cirque, construit par le dictateur César, pouvoir recevoir 250 000 spectateurs assis. La basilique de Paulus, avec ses admirables colonnes phrygiennes. Le forum du dieu Auguste. Le temple de la paix de l'empereur Vespasien Auguste. Et aussi les égouts, le plus grand de tous les ouvrages qu'on peut citer, puisque des montagnes furent percées et que, comme nous l'avons rapporté un peu plus haut, Rome fut une ville suspendue sous laquelle on navigua. Le sol fut ébranlé par les tremblements de terre, et cependant ces égouts, construits par Tarquin l'Ancien, durent depuis 700 ans, sans avoir pour ainsi dire souffert. On dit que Tarquin fit l'égout assez spacieux pour qu'une voiture amplement chargée de foin puisse y passer. Petite note, un secteur de la Cloaca Maxima, le nom de cet égout principal, mesure 4,20 m de hauteur sur 3,20 m de largeur. Mais parlons des merveilles, que rien ne surpasse aux yeux d'un juste appréciateur. Marcius Rex, chargé par le Sénat de réparer les conduits des eaux à Pia, à Nio et Tepula, amena durant sa préture un nouvel aqueduc qui porte son nom, et pour lequel il fit creuser des galeries à travers les montagnes. Agrippa, au cours de son édilité, y joignit l'Aqua Virgo, réunit et restaura les anciens canaux, fit 700 réservoirs, 500 fontaines jaillissantes, 130 châteaux d'eau, pour une bonne part magnifiquement ornés. Sur toutes ces constructions, il plaça 300 statues de bronze ou de marbre, 400 colonnes de marbre. Si l'on évalue attentivement les masses d'eau déversées dans le domaine public, les bains, les piscines, les maisons, les jardins, les villas suburbaines, si l'on calcule les trajets parcourus par l'eau, les arcades construites, les montagnes percées, les vallées comblées, on avouera que rien ne s'est jamais trouvé de plus admirable dans l'univers entier.